troisième temps de notre série consacrée à l'histoire de la cuisine. Aujourd'hui, mercredi, l'émission d'archives sur les banquets du 19e siècle. Lundi, nous vous avons parlé de l'invention du terroir, une invention française, selon notre invité Thomas Parker. Hier, de l'inventeur de la gastrotechnie dans le documentaire, il s'appelait Édouard de Pomian. Et aujourd'hui, eh bien, c'est d'une forme de réunion politique et peut-être aussi gastronomique, on en discutera, dont il sera question le banquet, qu'il soit républicain ou non au 19e siècle. Grâce à des textes lus par Nathalie Canouille et commentés par nos deux invités, Vincent Robert, maître de conférence en histoire contemporaine à Parisien et auteur du Temps des banquets, politique et symbolique d'une génération 1818 et 1848, et Philippe Mézy, il est maître de conférence en histoire moderne à l'université de Bordeaux-Montagne et il a coordonné un livre collectif qui s'intitule Banquets, gastronomie et politique dans les villes de province entre le 14e et le 20e siècle chez Ferret. Et bien nous allons tenter de comprendre ce qu'était l'importance de ces banquets, surtout dans la première moitié du 19e siècle, mais également avec l'instauration de la Troisième République dans la toute fin de ce même 19e siècle. À nos espérances, à la jeunesse française, à cette génération qui recueillera le fruit de tous nos efforts, qui vaudra mieux que nous, et qui, en assurant le triomphe de nos institutions, portera au plus haut point la gloire et la prospérité de la France libre et constitutionnelle. Bonjour Philippe Mézy. Bonjour. Merci, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Bordeaux, que nous remercions de vous accueillir. Et bonjour à vous Vincent Robert. Ce texte qu'on a entendu, cet extrait de texte, c'est un toast, c'est ça, porté par Benjamin Constant ? C'est un toast de Benjamin Constant, qui est déjà donc un homme politique assez âgé, qui a vécu la Révolution et qui est en train d'essayer de célébrer l'enthousiasme que les jeunes républicains, les jeunes libéraux, manifestent dans une campagne de banquet très peu connue, très oubliée, qui se déroule au printemps 1830, un peu avant donc la Révolution de Juillet. Alors effectivement, quand on parle de campagne de banquet et qu'on a gardé en tête ces cours d'histoire du 19e siècle, on pense essentiellement à celle de 1847 qui précède la Révolution et l'instauration de la Seconde République en 1848. Mais il y a, et c'est le grand mérite de votre ouvrage sur lequel vous avez travaillé pendant un certain temps, Vincent Robert, qui a été publié maintenant il y a 6 ou 7 ans, le Temps des banquets, il y a toute une tradition de banquets qui remontent plus loin, qui remontent disons à la chute de Napoléon ou à l'instauration de la Restauration en France, et avec cette pratique du toast. C'est important que de s'arrêter tout de suite sur cette pratique du toast. Qu'est-ce que le toast et pourquoi est-il important dans un moment festif? Vous le rappelez, c'est un moment festif que ce banquet où se réunissent des dizaines, voire des centaines de citoyens qui, pour la plupart, mais pas tous, ont le droit de vote et qui sont généralement que des hommes, en l'occurrence Vincent Robert. Alors le toast est extrêmement important parce que c'est ce qui fixe en fait le sens du banquet pour l'opinion, parce que les toasts ont vocation non seulement à être donc à susciter l'unanimité parmi les convives et d'autre part à être reproduits ultérieurement par la presse, qui est en général notre principale source sur ces banquets. En règle générale, il y a plusieurs toasts, quelquefois une dizaine, voire davantage. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est extrêmement important, normalement, c'est le toast par lequel on commence. Sous la monarchie restaurée, normalement, on doit porter un toast au roi. Mmh. C'est par là qu'il faut commencer. Mais il y a des nuances. On peut porter un toast au roi, simplement, et à son auguste famille. Ça, ce serait un banquet plutôt légitimiste, ou bien on peut porter un toast au roi constitutionnel, ce qui signifie que c'est la fonction et non pas la personne du roi qui suscite l'allégeance. Et cela, effectivement, aujourd'hui, on a peut-être, et vous l'expliquez bien d'ailleurs dans votre livre Le Temps des banquets, Vincent Romer, on a peut-être un peu de mal à rentrer dans les arcanes et les spécificités de ces banquets qui étaient tout en nuances, vous l'avez dit, et qui nécessitaient une connaissance très fine de l'ambiance politique du moment. C'était à la virgule près que l'on pouvait peut-être jauger ou juger de quelle était l'opinion, quel était le moment dans lequel on s'exprimait et pourquoi... Au bout du compte, chacun était réuni. Évidemment, il y avait les adversaires qui regardaient ça d'un peu loin et qui tentaient de comprendre qui étaient ces gens qui s'étaient réunis pour un banquet. Et puis, les autres tentaient de, dans une sorte de carte très précise de la vie politique de l'époque de la Restauration, puis ensuite sous Louis-Philippe, tentaient de comprendre où on se plaçait dans un curseur entre un libéralisme et un légitimisme, par exemple. C'est pour ça que l'organisation du banquet est fondamentale. C'est-à-dire les organisateurs, en règle générale, se mettent d'accord à l'avance sur les toasts. Et normalement, on n'improvise pas. Ça, tant qu'on reste dans le cadre des banquets libéraux, qui sont des banquets entre gens de bonne compagnie, entre notables, généralement payant un cens important, plus de 300 francs d'impôt sous la Restauration, ça nous met un corps électoral à 100 000 personnes pour l'ensemble de la France. Et en fait, dans ces 100 000 personnes, un bon nombre ne s'intéresse pas beaucoup à la vie politique. Donc ça fera très peu de monde. Le problème, c'est quand l'organisation devient plus souple ou que les participants sont des gens moins disciplinés. Alors ça se produira, par exemple, au tout début de la monarchie de Juillet, avec des banquets républicains, dans lesquels... Eh ben, des républicains exaltés peuvent trouver l'occasion de manifester leurs convictions. Et en particulier, un cas qui est resté très célèbre, qui était un toast au roi porté par Évariste Galois, jeune mathématicien. Donc le jeune mathématicien mort très jeune, à 29 ans, je crois. Oui, enfin, bon, même pas, il me semble, il est tout jeune mathématicien, mais extrêmement exalté, et qui porte un toast au roi, sauf que la gestuelle qui l'accompagne est parfaitement significative. Il porte son toast au roi en levant un poignard. Ce qui signifie en fait que c'est un appel au régicide. Ah oui, effectivement, ça ne doit pas passer beaucoup dans la France tout juste dirigée par Louis-Philippe. C'est au début des années 1830, en l'occurrence. Philippe Mézy, vous interviendrez dans la deuxième partie de cette émission parce que vous avez beaucoup travaillé avec vos collègues pour ce livre « Banquet, gastronomie et politique dans les villes de province » sur la fin du 19e siècle, en particulier la Troisième République. Mais vous connaissez, puisque vous travaillez aussi sur le 18e siècle, ce 18e siècle qui précède donc la Révolution française. Est-ce que cette pratique du banquet, vous l'avez repérée dans le XVIIIe siècle ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment une innovation qui est sortie de la Révolution et qui s'est développée au XIXe siècle, selon vous, Philippe Mézy ? Alors, les banquets existent au XVIIIe siècle, mais ils ont un sens évidemment totalement différent qui se place plutôt dans l'idée d'affirmation du pouvoir. Ça va être notamment tous les banquets qui sont organisés par les corps de ville, les municipalités des villes de province, pour la réception d'un grand personnage, d'un représentant du roi ou de la famille royale. Et donc, on est vraiment dans l'affirmation du prestige social lors de ces banquets. Mais ils existent déjà comme forme d'expression politique. Voilà, mais en l'occurrence, la grande nouveauté, ce que vous nous expliquez dans votre livre, Vincent Robert, c'est effectivement la contestation, la protestation, même feutrée, du pouvoir en place par l'intermédiaire de cette forme politique qu'est le banquet du 19e siècle. Vous nous présentez le banquet des 700 qui va donc être au cœur de la lecture de Nathalie Canoui. En fait, il s'agit donc du premier très grand banquet la vie politique française. Un banquet qui a été complètement oublié, qui est le banquet dit des Vendanges de Bourgogne, du nom du restaurant parisien. Faubourg du Temple, où il s'est déroulé. Et c'est un banquet qui est un acte politique extrêmement important, parce que les députés viennent de signifier au roi et au président du Conseil des ministres, donc au prince de Polignac, qu'il n'accepte pas le choix de Polignac comme chef du gouvernement. Et qu'en fait, ils estiment que le roi doit choisir un gouvernement qui soit en harmonie avec la représentation nationale, avec aussi bien la Chambre des députés que la Chambre des pairs. On est juste avant la Révolution de 1830. On est juste avant la Révolution de 1830. 221 députés ont voté cette adresse au roi, qui est en fait considérée par les ultra-royalistes comme un outrage au roi. Et les libéraux veulent montrer que cette adresse au roi a le soutien de la population parisienne. Et donc, ils organisent un grand banquet 700 personnes. C'est la plus grande salle de Paris à l'époque. C'est vraiment. On peut pas faire beaucoup mieux. Voilà, c'est disons. Ça. Et ou plutôt, on ne peut pas faire beaucoup mieux si on s'en tient aux critères de luxe nécessaires pour fêter dignement des députés qui sont là, des gens de la très bonne société. C'est une belle chose qu'un patriotisme à 700 couverts. Le motif de ce gala était si noble qu'il s'adressait à tous les cœurs et à tous les ventres, excepté à celui de la Chambre. Le prix de souscription était tout constitutionnel, et un dîner à 20 francs par tête n'avait rien de contraire à la charte ni à la gastronomie. Oh, que si l'on avait pu dresser la table dans le Champ de Mars, métamorphoser en rôtisserie l'école militaire et renouveler en faveur de la Seine le miracle de Cana, pas une place ne fût restée vide, pas un tonneau ne fût resté plein. Mais, faute de local, il a fallu laisser à la porte plusieurs milliers de bons Parisiens, regardant à la vitre et se haussant pour voir sur la pointe des pieds, comme dit Victor Hugo. Jamais les vendanges de Bourgogne n'avaient présenté un spectacle aussi imposant, soit en convive, soit en mets, soit en vin. On eût dit une imitation des ripailles de Gargantua ou des noces de Gamache. Je peux parler comme témoin oculaire, auriculaire et gastriculaire. Ce serait du réchauffé que de représenter tout un quartier en rumeur, des têtes à toutes les fenêtres et jusque sur les toits, les rues encombrées de foules, d'équipages et de fiacres, les souscripteurs à la queue, de même qu'aux représentations d'Hernani, les députés presque portés en triomphe, les commissaires se donnant plus de mouvement que la mouche du coche, les agents à l'œil louche se glissant comme des ombres, des acclamations dans toutes les bouches, les sourires sur tous les visages, le bonheur et l'espérance dans tous les yeux. Nos grands confrères politiques ont servi la pièce de bœuf, ont exalté le civisme et la fraternité des conviés, le glorieux accueil fait aux héros de la fête. Tous ont parlé constitutionnellement, pas un gastronomiquement. Certes, il y avait de vives et nouvelles émotions à voir cet empressement de regard, ce bourdonnement de joie autour des honorables députés, à contempler face à face ces échos de l'opinion publique. Casimir Perrier, Lafitte, Benjamin Constant, Lafayette, le général Clausel, l'abbé de Pompierre, de Tracy, Chonen, Étienne, etc., etc. Toutes les âmes étaient agrandies, si le salon d'en haut ne l'était pas. Voilà, on entend bien l'enthousiasme, en tous les cas, dans ce texte, Vincent Robert. Et on se dit que, depuis qu'on a lu Emmanuel Furex, on sait combien, dans un régime contraint, que pouvait être le régime de la Restauration, ou même celui de Louis-Philippe, eh bien, il y avait des moyens, on cherchait des moyens pour pouvoir manifester son opposition au pouvoir. Ça pouvait être les obsèques du général Foy, par exemple, et au moment des obsèques, eh bien, on ne pouvait pas empêcher la foule de venir rendre hommage à celui qui représentait un espoir pour elle, et le banquet, en l'occurrence celui-ci, avec cette idée qui m'intéresse parce que nous parlons de cuisine, tous ont parlé constitutionnellement, pas un gastronomiquement, c'est-à-dire on ne sait pas très bien ce qu'on y mangeait dans ces banquets, en l'occurrence Vincent Robert, et ça n'est pas ça qui est le plus important visiblement aux yeux des convives. Aux yeux des convives, ça compte, certainement. Mais ils n'ont pas l'intention que l'ensemble de la population soit informée. Parce que 20 francs par tête, c'est énorme. C'est énorme. En fait, il faut bien voir que les trois quarts de la population parisienne ne gagnent pas 20 francs dans la semaine. Et donc, en fait, c'est à la portée d'un tout petit nombre de gens, une élite extrêmement restreinte. Il ne faut pas croire ce que disent les écrivains ultra-royalistes, disant qu'il s'agit de, finalement, de très petites gens, de commis et autres personnes assez méprisées, et d'autres écrivassiers politiques. Il s'agit, en fait, de gens qui sont de bons bourgeois, avec une fortune solide. Quand on entend les noms, Casimir Perrier, effectivement, qui aura un destin politique très important, Lafitte, Jacques Lafitte, qui était donc originaire de Bayonne et qui a joué un rôle très important justement dans le libéralisme sous la Restauration, Benjamin Constant, grand libéral s'il en est, Lafayette, etc., etc. On est effectivement plutôt du côté de l'aristocratie ou de la très haute bourgeoisie française. Oui, mais ce qui est important, c'est de montrer par les noms, par l'assistance, que cette élite politique libérale a le soutien des masses d'électeurs libéraux. Mmh. Alors, des masses, il ne faut pas exagérer. Encore une fois, sous la Restauration, c'est un corps électoral de 100 000 personnes pour toute la France, pas davantage. Mais il s'agit de dire que ça n'est pas simplement une coterie libérale, ça n'est pas simplement les opinions d'un certain nombre de journalistes exaltés, mais que la cause libérale a le soutien des forces vives de la nation, en définitive. Alors, est-ce qu'il y a une différence, et vous le montrez bien, il y en a une, entre ces banquets qui commencent à se tenir en 1818, expliquez-vous, le dîner de l'Arc-en-Ciel, le boulevard de l'Hôpital, le banquet du Mont-Tabor, c'est en 1820, mais aussi tous ceux qui vont se répandre en province, parce que effectivement, ça n'est pas que Paris qui banquette, c'est la France tout entière. Entre ces premiers banquets, cette première vague de banquets, donc sous la Restauration, sous Louis XVIII et sous Charles X, et puis cette seconde vague de banquets qui est plus connue parce que c'est elle qui va, d'une certaine façon, faire chuter Louis-Philippe donc au moment où il est au pouvoir, Vincent Robert. Il y a une différence entre les deux ? Il y a une différence qui est effectivement importante, c'est qu'en fait, c'est l'apprentissage d'une forme politique et, en fait, sa démocratisation. Sous la Restauration, les banquets sont réservés à une élite sociale, incontestablement. C'est-à-dire que, normalement, la souscription varie entre 10 et 25 francs. Il s'agit de sommes énormes. Sous la monarchie de Juillet, l'efficacité du banquet comme pratique de mobilisation fait que la tendance est toujours à la démocratisation du banquet. C'est-à-dire que le montant de la souscription diminue. Il reste bien quelques banquets très onéreux, mais c'est plutôt pour des représentants du pouvoir et dans des circonstances très particulières. Les banquets de la Réforme, aussi bien en 1840 qu'en 1847, sont plutôt des banquets à 5 ou 6 francs par tête, ce qui devient nettement plus abordable et qui permet, le cas échéant, à des gens venant de milieux populaires ou à de la toute petite bourgeoisie d'y participer. Alors, il y a effectivement beaucoup de différences dans le ton, selon que l'on lise un journal libéral dans ces années 1820-1830 ou un journal légitimiste. Le Drapeau blanc, par exemple, le 24 octobre 1829, raconte un banquet qui se déroula à Niort, donc dans le Poitou. Et évidemment, ce banquet n'est pas très bien vu des rédacteurs du Drapeau blanc. Le banquet se composait de 172 personnes, parmi lesquelles on comptait 80 électeurs. Les autres convives avaient été choisis parmi les jeunes gens les plus libéraux et les anciens révolutionnaires. Au nombre de ces derniers, on remarquait le sieur B, prêtre marié, dont les affreux conseils portèrent Mademoiselle de V à dénoncer son père pour avoir caché ses titres de noblesse, dénonciation par suite de laquelle ce vieillard a été flétri sur l'échafaud et mort au bagne de Rochefort. On remarquait avec plus d'étonnement encore le sieur P, autre prêtre marié, condamné au fer avant la Révolution pour crime de rapt. P, qui a présidé le tribunal révolutionnaire de Poitiers en 1793 et qui a répandu tout le sang qui a été versé dans cette ville sous le règne de la terreur. Il faut, grâce à ce texte de Nathalie Calouy, se rappeler effectivement de la proximité avec la Révolution française. On citait des noms, Lafayette, effectivement, Benjamin Constant. Ils ont tous connu cette période de la Révolution française. On est tout près de la Révolution. Et évidemment, lorsqu'il s'agit de contester la réunion de ces libéraux autour d'un banquet, Vincent Robert, eh bien, on va mobiliser les souvenirs de la Révolution française, qu'ils soient glorieux d'un côté, tragiques de l'autre. Les souvenirs sont extrêmement importants. Et en particulier dans des ambiances plus resserrées, comme ça peut être le cas en province. Tout le monde connaît tout le monde, et tout le monde connaît le passé de chacun. De chacun. Et donc, la présence d'un individu a toujours un signe, toujours une valeur de signe. Et dans ce cas-là, ce banquet de Niort est effectivement l'expression d'un libéralisme très radical et crypto-républicain. Puisque Niort, à ce moment-là, sous la Restauration, est une ville dont les élites politiques sont d'extrême gauche. D'ailleurs, quand on veut dauber ces gens qui se réunissent dans un banquet, on va dire que c'est un banquet de francs-maçons. C'est souvent ce que l'on accuse, on les accuse d'être des francs-maçons, parce que cette formule peut exister, effectivement, la formule du banquet maçon. Et on va donc dire, regardez, ce sont des francs-maçons qui se réunissent. Oui, mais dans la première moitié du XIXe siècle, l'appartenance à la franc-maçonnerie n'est pas aussi stigmatisante aux yeux de la droite ou de l'extrême droite qu'elle le sera dans la deuxième moitié et dans la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que quand évoquer un banquet de franc-maçons, quand on parle de banquets libéraux, c'est souvent mettre l'accent sur une forme de ridicule. C'est ça. Parce que les banquets francs-maçons ont un cérémonial très élaboré et un vocabulaire tout à fait particulier et d'ailleurs assez étrange à nos yeux, effectivement. Ce ridicule, d'ailleurs, il est décrit aussi dans d'autres moments par des grands écrivains. Vous citez Maxime Ducamp qui explique que on y pratique l'éloquence ambulatoire, c'est joli comme expression, ou Flaubert qui, en 1847, au moment de la campagne des banquets à Rouen, il n'est pas encore très connu, il n'est pas connu à cette époque-là, je crois qu'il a 26 ans, Flaubert qui dit « c'est d'une bêtise délirante, ce sont des stupidités échevelées ». C'est-à-dire que il y a tout un tas de gens qui pourraient se rapprocher de ce genre d'idées politiques, et encore, et qui, d'une certaine façon, préfèrent le regarder de loin parce qu'il y a justement cette évolution que vous décriviez tout à l'heure, Vincent Robert, de banquiers qui s'ouvrent de plus en plus à des gens qui sont moins aristocrates et moins grands bourgeois. Et à partir de ce moment-là, on va dauber la façon dont on s'exprime, la forme ampoulée des toasts, par exemple. Oui, il y a toujours... De la part des adversaires politiques, il y a toujours une tendance à se moquer des banquets de l'adversaire, dans la mesure où les angles d'attaque sont toujours très faciles. En définitive, par exemple, le banquet des vendanges de Bourgogne dont on a parlé tout à l'heure, en 1830, il était considéré par les journaux ultra-royalistes comme un pique-nique libéral. Or, de pique-nique, il n'en avait absolument rien. Il suffit de voir la liste des mets dans le texte, à la suite du texte qui a été lu. Mais alors il y a les mets et puis il y a le décor, parce que on part la salle dans laquelle on est installé de tout un tas de calicots et il faut que ça soit un endroit qui ressemble plutôt à une demeure sinon bourgeoise ou aristocratique, mais enfin un endroit où on se réunit avec beaucoup de beauté sous les yeux en même temps. On fait un effort. Et cet effort est très sensible sous la Restauration, parce que ce sont des banquets qui sont offerts à des députés, qui sont des personnes de qualité, en remerciement du zèle avec lequel ils ont défendu la cause libérale à la Chambre. C'est le cas de Lamartine, quand il revient dans son chef-lieu de Saône-et-Loire, à Mâcon, le programme d'un banquet de 1847, le 1er juin, dans le Progrès de Saône-et-Loire, lu par Nathalie Canoui. Les barrières de l'emplacement où est organisé le banquet s'ouvriront à 3 heures. Le banquet sera présidé par M. Bouchard, docteur médecin, premier adjoint de la ville. À 4 heures, M. de Lamartine prendra place. De 3 à 4 et de 4 à l'heure du toast du président, qui sera porté, messieurs les artistes et les amateurs exécuteront des morceaux d'harmonie. Aucun toast ne doit être porté que ceux du président et de M. de Lamartine. Aucune chanson, aucun cri ne seront permis. Les réclamations et les demandes seront adressées à messieurs les commissaires chargés de la police du banquet. Le plus grand ordre doit régner afin de laisser à cette manifestation sa féconde influence. « Voilà pour ce banquet de juin 1847 à Mâcon, qui précède d'un peu plus de 6 mois la révolution de 1848. Monsieur de Lamartine s'y exprimera, mais il y a un véritable ordre du jour. C'est comme une réunion politique. On ne s'exprime pas, on ne criera pas, on ne chantera pas, parce que on craint quoi? On craint des représailles, Vincent Robert? On craint pas de représailles, on craint simplement que l'effet sur l'opinion soit désastreux. C'est-à-dire, si le banquet offert à Lamartine était la manifestation d'opinion ultra-radicale, il serait facile de déconsidérer aux yeux du corps électoral, qui reste un corps électoral restreint, cette fois-ci donc un peu plus de 260 000 personnes, donc de déconsidérer la cause libérale, la cause de la réforme. Donc il faut que les choses soient le mieux tenu possible. Il faut que, si désaccord il y a, il s'exprime ailleurs que dans le banquet, qui doit être une manifestation d'harmonie et une manifestation d'union. Alors rappelons quand même que dans ces années 1840, d'autres que les grands bourgeois et les ceux qui peuvent payer le cens, qui, dites-vous, sont à la hauteur de 260 000 personnes sur ce territoire français, se réunissent dans des banquets. Il y a des banquets socialistes qui se créent dans ces années-là, juste avant la révolution de 1848, ça n'a pas le même sens, ça n'est pas fait de la même manière. Il y a des banquets d'ouvriers aussi. Donc il y a une multiplication de lieux où on peut se retrouver entre soi, discuter, manger ensemble, boire ensemble et en même temps faire de la politique, Vincent Robert. Il y a multiplication des associations et des groupements qui peuvent éventuellement donc se réunir dans un banquet. Ou plus exactement, la sociabilité du temps ne conçoit pas un groupe formel ou informel sans la pratique régulière, au moins annuelle, du banquet. Mmh. En fait, par exemple, si on appartient à une corporation, il n'y a plus de corporation, mais si on appartient à un métier... Si on appartient à un métier et qu'il y a une organisation du métier informelle, elle se manifeste par la réunion périodique, en général annuelle, donc des membres du métier. Le plus célèbre de ces banquets étant le banquet des typographes de Paris, qui se réunit tous les ans depuis 1840, depuis en fait que les typographes ont obtenu une sorte de tolérance de l'autorité. Et puis, on se réunit généralement à l'occasion de la fête du Saint-Tutélaire de la corporation ou du métier auquel on appartient. Il y a aussi une dimension christique à ces banquets, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a une dimension religieuse à cette idée de la scène, des compagnons qui seraient rassemblés autour de la table, ou pas du tout? Vous l'évoquez dans votre livre Le temps des banquets, Vincent Robert. Il y a toujours une possibilité d'interprétation religieuse autour du partage de la nourriture. Mais on peut en jouer ou ne pas en jouer. Les libéraux de la Restauration n'en jouent pas parce qu'ils sont anticléricaux, ou plutôt ils jouent du symbolisme à un niveau beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'ils disent que la table, c'est la fraternité en acte. Par contre, sous la monarchie de Juillet, il peut arriver que certains groupes politiques conçoivent effectivement le fait de se réunir en un banquet comme une sorte de cérémonie. Et il y aura des essais sous la Deuxième République pour instituer, de la part des socialistes, en particulier ceux qui sont dans la mouvance de Pierre Leroux, instituer des banquets périodiques, quasiment tous les dimanches, mais en fait ça ne marchera pas. Alors il y a évidemment le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 qui met bas à la Seconde République, et donc pendant un long temps il n'y aura plus cette pratique de réunion autour des banquets, on en trouve peu la trace, expliquez-vous, jusqu'à la fin du Second Empire et l'arrivée de la Troisième République. Vincent Robert, où cette forme politique qu'est le banquet va renaître? Le banquet disparaît pratiquement, en fait, sous le Second Empire, parce que c'est un régime policier qui n'hésite pas à... qui n'a jamais les scrupules de l'égalité des préfets de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. En d'autres termes, interdire un banquet sous la Monarchie de Juillet, ça crée toujours des remous politiques. Sous le Second Empire... Le souvenir des banquets étant associé désormais à la révolution de 1848, sur lequel l'Empire entend ne plus revenir, bon, qu'il condamne évidemment, donc ça ne pose aucun problème à la police d'interdire un banquet. Par contre, ce que le Second Empire a très bien compris, c'est que s'il se libéralise, il faut qu'il permette un mode d'expression de l'opinion qui ne soit pas aussi dangereux symboliquement que le banquet. Mmh. C'est pour ça qu'il y a, en 1868, une loi qui est votée sur les réunions publiques qui sont cette fois-ci consacrées uniquement à la parole politique, de préférence d'ailleurs plutôt sociale que politique, mmh. ou du moins pas directement politique, et non pas, donc, une résurrection des banquets. Ceci dit, en fait, les notables, notamment, appréciaient beaucoup la forme du banquet, ce qui fait que, dès la Troisième République, les banquets ressurgissent. Alors, justement, vous y avez travaillé, à cette question des banquets, Philippe Mézy, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Bordeaux, où vous enseignez à l'université, et vous avez coordonné un livre qui s'appelle « Banquets, gastronomie et politique dans les villes de province, entre le XIVe et le XXe siècle ». On ne va pas remonter au XIVe siècle, même si, dans ce livre, on trouve de formidables archives qui remontent justement pour Angers, par exemple, à ce même XIVe siècle, et on voit comment les confréries qui étaient liées à l'échevinage pouvaient se réunir et banqueter ensemble. Nous, on va s'arrêter avec vous, si vous voulez bien, à cette deuxième partie du XIXe siècle. Il y a beaucoup de communication dans ce livre collectif que vous avez coordonné sur la Troisième République et en particulier la période qui court de 1870 jusqu'aux années 1914-1920. Avec évidemment la reproduction de formidables menus de ces banquets républicains qui sont des banquets patriotiques pour certains d'entre eux, Philippe Mézy. Oui, l'idée de cet ouvrage était justement de mettre en avant toutes ces archives, et nous nous sommes rendus compte à travers les différentes contributions que cette période de la Troisième République était marquée par de nombreux banquets. Banquets patriotiques, banquets républicains, et que de nombreux menus de ces moments étaient conservés dans les archives et permettaient justement de comprendre les archives ce lien entre alimentation et politique. On peut citer les archives de Dijon qui possèdent une collection absolument extraordinaire de ces menus en particulier. Alors, vous dites il y a un lien entre alimentation et politique. Comment le faites-vous ce lien à partir, par exemple, de l'analyse de ces multiples menus dont Nathalie Canouille va nous en lire quelques-uns? Alors l'idée justement est, au-delà des discours, des toasts qui sont présentés, il y a toute une mise en scène des convives autour de la table, où on va retrouver à la fois une idée d'unité, mais également la mise en avant des personnages les plus importants. Lorsque Félix Faure, par exemple, vient à Bordeaux en 1895, mmh. on va trouver autour de lui l'archevêque, le président du Conseil Général, le président de la Chambre de Commerce, etc. Donc il y a la mise en scène. Et puis il y a aussi le contenu mmh. du repas. Il me semble qu'on peut avoir une lecture politique des mets qui sont servis ou des vins qui sont proposés. Alors un exemple avec ce banquet patriotique offert à Monsieur Léon Gambetta, président de la Chambre des députés. Nous sommes le 28 mai 1881 et cela se passe dans la bonne ville de Cahors. Hors d'œuvre, petit pain fourré. Relevé, saumon du Rhin sauce tartare. Entrée, filet de bœuf glacé, galantine de coq de bruyère aux truffes, jambon d'York Bellevue, buisson d'écrevisses de la Meuse. Rau, dindono rôti, pavé tivolié aux truffes. Légumes, salade russe aux truffes. Entremets, gâteau ananas. Dessert, fraises, cerises, abricots, etc. Petit four, gâteau, etc. Vin, Bordeaux, Saint-Julien 1874, Vieux Cahors 1869, Champagne glacé. Voilà donc pour le menu de ce banquet patriotique de 1881 à la ville de Cahors, à la mairie de Cahors. On y reçoit Léon Gambetta, président de la Chambre de députés. Déjà, on peut se dire tout de même que nous sommes dans une France amputée de deux de ces régions et que l'on va donc servir des saumons du Rhin, sauce tartare, et des buissons d'écrevisses de la Meuse. Tout ça, c'est pour dire que le territoire national est plus large que ce qu'il est réellement, en l'occurrence Philippe Mézy, non ? Tout à fait. À travers ce menu, on voit très bien que finalement, à travers le menu à Léon Gambetta, on célèbre aussi le héros de la guerre de 1870. Et d'ailleurs, il se rend dans la ville de Cahors, dans sa ville natale, pour inaugurer un monument aux morts de la guerre de 1870. Donc dans ce banquet qui réunit 1400 convives, effectivement, 1400, les plats ouais. que vous avez... 1400 convives, les plats que vous avez cités renvoient justement à cette guerre de 1870 et au territoire perdu. Il déclare d'ailleurs, il fait un discours au cours de ce déplacement où il affirme finalement que l'armée doit être forte et qu'il ne faut pas avoir peur d'affirmer son autorité. Donc on a une signification à travers les plats servis, une signification politique très forte. On a des gâteaux à l'ananas, ce qui montre aussi la grandeur de la France, parce que tant que je sache, on ne fait pas pousser d'ananas sur le territoire métropolitain, donc on peut aller les chercher ces ananas dans nos colonies, et donc effectivement c'est toute la République qui est rameutée pour recevoir le président de la Chambre des députés, Philippe Mézy. Oui, les plats qui sont servis lors de ces banquets officiels, on retrouve souvent les mêmes éléments, c'est-à-dire à la fois une grande cuisine française, c'est-à-dire parisienne, des plats du terroir, c'est-à-dire la richesse des provinces et cette idée d'une nation qui se réunit autour de la table, et puis la puissance coloniale à travers du rhum qui peut être servi ou des ananas. Mmh. Alors on a un autre exemple de ces banquets donc servis pour la République. C'est un exemple qui remonte donc à 1899. Émile Loubet va se rendre dans une grande ville de province, à savoir Dijon, et on va lui servir ceci. Consommé à la présidence. Relevé, saumon sauce riche. Entrée, filet de bœuf à la Rachel. Timbales gauloises, légumes, petits pois à la française. Rôt, volaille de Bresse rôtie, salade, galantine de pintade en belle vue. Entremets, glace Carnot, gâteau tunisien, petit four, dessert varié, café, liqueur, vin, Beaune, Chambertin, Corton, Champagne. Le lendemain, c'est la chambre de commerce et d'industrie que l'on vient d'installer dans l'ancienne cathédrale Saint-Étienne qui accueille le président et ses collaborateurs avec un menu préparé par le restaurant du Marais, une bonne table de la ville. Hors d'œuvre variée, truite saumonée glacée sauce française, noisette de filet de bœuf à la présidence, croustade de bécasse au foie gras, spoon au vin de Montrachet, le trop bourguignon, ponche à la romaine, pan truffé rôti, petit pois nouveau à l'anglaise, langouste en belle vue, glace fédérale et gaufrette dijonnaise. Alors Philippe Mézy, il faut absolument s'arrêter sur les adjectifs dans ces menus. Les glaces fédérales, les gaufrettes dijonnaises ou encore les glaces Carnot, alors, ou les gâteaux tunisiens. La glace Carnot, c'est parce que on veut rendre hommage à Sadi Carnot, assassiné quelques années plus tôt. Et donc, puisqu'on reçoit le président de la République, on lui offre du consommé à la présidence. Et une glace Carnot, en l'occurrence, Philippe Mézy. Alors, très clairement, lorsqu'on lit ce genre de menu, on voit que le président est l'incarnation de la République. Ces banquets célèbrent la République à travers la réception de ce personnage. Et si on fait référence à Sadi Carnot, c'est aussi parce que c'est l'un des premiers présidents qui a relancé ses voyages présidentiels en province, notamment pour s'affirmer face à la menace boulangisme à la fin des années 1880. Donc on a cette idée d'incarnation par l'individu, et finalement on n'est pas si loin que ça de la monarchie d'Ancien Régime. On retrouve un peu des codes ici dans la mise en scène des repas. Est-ce qu'on sait si et comment ces repas étaient servis, Philippe Mézy? Vous nous citez des nombres de convives absolument extraordinaires. Déjà, chez Vincent Robert, on est plusieurs centaines, mais là, on est de l'ordre de plus de 1000. Et si on va jusqu'en 1889 ou 1900 pour le banquet des maires de France à l'occasion de l'exposition universelle, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, parce que je crois que c'est 22 000 ou 23 000 maires qui sont réunis, donc... à l'occasion de cette exposition universelle. Est-ce qu'on sait comment c'était servi, comment les traiteurs se débrouillaient pour que tout soit servi à l'heure et que tous les convives ne puissent, parce que j'ai cru comprendre qu'en plus ces déjeuners duraient une heure un quart, une heure et demie avec autant de plats. On se dit, mais comment c'est fait? Alors justement, si on prend l'exemple du repas des maires en 1900, on est à 22 000 convives qui vont être servis par 1700 maîtres d'hôtel. Donc on a un service extrêmement rapide, hein. Le repas va durer une heure et quart. On va faire défiler les plats très très très très rapidement. Donc en fait, on va mobiliser des traiteurs qui vont s'associer souvent. Mm-hmm. C'est ce qu'on va retrouver dans plusieurs banquets, plusieurs d'entre eux. Par contre, les plats n'étaient pas forcément servis à température idéale, vous pouvez vous en douter, mais on a quelque chose qui est quand même très bien organisé avec des brigades extrêmement extrêmement nombreuses dans des espaces qui sont très vastes, hein. Il y a plusieurs kilomètres de tables pour le banquet de 1900. Oui, mais pourtant, on va servir, parce que c'est glorieux, des glaces, par exemple. Il vaut mieux que les glaces arrivent encore glacées sur la table des convives. Vincent Robert, c'est un changement de nature par rapport à ces banquets sur lesquels vous avez travaillé, puisque, en l'occurrence, il y avait ceux qui aspiraient à devenir républicains. C'était ceux sur lesquels vous avez travaillé dans la première moitié du 19e siècle. Et il y a ceux qui sont devenus républicains ou en cours de le devenir. Et donc, ça n'est pas la même chose. On ne célèbre pas la même chose dans ces banquets. L'opposition d'un côté et la célébration de l'unité républicaine de l'autre. Dans les banquets de la fin du 19e siècle, il est clair que c'est une dimension festive et une célébration du régime tel qu'il est. Ce ne sont plus des banquets militants. Sous la Troisième République, ce sont les réunions publiques qui sont militantes, pas les banquets. Les banquets ont toujours eu vocation, d'ailleurs, en fait, à pacifier les choses, d'où le soin qu'on prenait à éviter les incidents. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est frappant aussi dans les banquets de la Belle Époque, en gros, c'est comment on arrive désormais, notamment grâce à cette organisation, à servir quelque chose qui soit gastronomique à un très grand nombre de personnes. Parce qu'on a, sous la monarchie de Juillet, quelques banquets qui sont déjà avec une assistance très nombreuse. Des banquets lyonnais d'ouvriers en soie, largement, qui dépassent les 1500 et qui atteignent quelquefois les 2000 personnes. Ah oui. Mais dans ces cas-là, le repas est en fait extrêmement sobre. D'abord parce que la souscription était très basse, 2 francs ou 3 francs, et donc dans ce cas-là, on a du jambon, des noix, et puis de la boisson, enfin du vin, et pas grand-chose d'autre. Peu de problèmes techniques pour le service. Mais en même temps, une pauvreté qui fait que les convives ne sont pas complètement satisfaits. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, cette formule du toast tel qu'il était décrit dans la première moitié de cette émission par Vincent Robert, Philippe Mézy. Est-ce que on continue sous la République à porter des toasts et comment les porte-t-on, puisque ce ne sont plus des toasts pour renverser un régime, mais ce sont des toasts qui sont, j'imagine, là pour pouvoir renforcer ce régime et réchauffer les cœurs, Philippe Mézy. Alors les toasts et les discours sont toujours très présents. D'ailleurs, si on examine la presse de la fin du 19e siècle lors des voyages présidentiels en province, finalement ce sont assez peu les mets qui sont évoqués, mais beaucoup les toasts et les discours. Alors ces discours, le plus souvent, effectivement, célèbrent l'unité de la nation, réaffirme la République, font souvent référence d'ailleurs à la révolution de 1789. Hein. On peut penser au banquet des maires en 1889, mm-hmm. où je parlais du banquet de 1900 qui a lieu le jour de l'anniversaire de la proclamation de la Première République. Donc on est plutôt dans cette unité affirmée de la nation, dans l'affirmation de la République. Alors un autre de ces banquets et de ces menus, lu par Nathalie Canouille. Vin, Château Yquem 1900, Château Cheval Blanc 1899, Château Mouton Rothschild 1899, Château Margaux, 1899. Château Aubryon, 1895. Mouette et Chandon, Brut Impérial, 1906, Magnum. G.H., Mom et compagnie, Cordon Vert. Duc de Montebello, Grand Crément. Fine Champagne, Hennessy, 1858. Liqueur, Marie Brizard et Roger. J.H., Gare Fourchet. Menu. Melon glacé de Sauterne, cascade de langoustes tartare, lièvre à la royale, médaillon de riz châtelaine, perdreau de Camarès à la broche, salade hongroise, cèpe à la bordelaise, glace alliance, dessert. Ces grands menus, Philippe Mézy, qui accueille généralement le président de la République, de la Troisième République, lorsqu'il se rend dans les villes de province, ces grands menus sont-ils là aussi pour exceller, montrer l'excellence de la cuisine à la française, c'est-à-dire pour pouvoir, aux yeux des convives, se dire ou se répéter qu'on a la meilleure cuisine du monde, avant bien entendu le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce sera au début du XXIe siècle en l'occurrence, Philippe Mézy. Ce sont très clairement des vitrines, ces banquets. Des vitrines du savoir-faire français en matière de cuisine. Et les villes de province, finalement, relaient cette grande cuisine parisienne, celle des palaces de la fin du XIXe siècle. On va retrouver des poulardes, de la truffe, qui est alors très, très répandue. Et en même temps, c'est quelques notes régionales de défense des terroirs qui sont mises en avant dans le menu que vous évoquiez. On parle de cèpe à la bordelaise. Donc il y a cette volonté de rassembler à la fois la grande cuisine parisienne, celle des palaces, et en même temps cette cuisine des terroirs, et finalement constituer une sorte de synthèse de la France à travers ses plats. Oui, parce qu'on peut dire tout de même, Vincent Robert, que dans ce 19e siècle, on professionnalise la cuisine et les cuisiniers. Ça devient effectivement la naissance du traiteur, le développement du traiteur, le développement d'un marché spécifique pour une bourgeoisie qui est beaucoup plus large que ne l'était l'aristocratie d'antan, fait qu'on imagine que ces métiers sont plus nombreux, plus qualifiés, avec des diplômes qui leur sont remis. Vous travaillez ces temps-ci sur des coopératives de cuisiniers pendant la Seconde République. Oui, parce que en fait, donc le monde des cuisiniers est un peu connu jusqu'à présent, et on a montré effectivement, notamment Alain Drouard, la professionnalisation du métier. Mais il faut bien voir qu'on part d'une considération sociale extrêmement faible. Mmh. Au départ, dans la première moitié du 19e siècle, ce qui est célèbre, c'est tel ou tel restaurant, mais pas le chef à l'intérieur du restaurant. Bon, ceci dit, il y a quelques chefs exceptionnels qui, comme Antonin Carême, qui ont une renommée européenne, c'est-à-dire donc quasiment mondiale à l'époque. Mais la plupart des restaurants, personne ne sait exactement qui est le chef. Mmh. Bon, la seule chose, c'est que la table, on sait qu'elle sera excellente ou qu'elle sera de bonne qualité, etc. Bon, simplement, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir comment les cuisiniers eux-mêmes, qui sont un groupe social curieusement très politisé sous la monarchie de Juillet, mm-hmm. peut-être très politisé parce qu'ils ont un sens très vif des contrastes sociaux, mm-hmm. étant donné qu'ils cuisinent, ils servent les grands et les riches, et eux-mêmes viennent de milieux très modestes. Donc, c'est un milieu très politisé et qui se sent une vocation à incarner le mouvement social et l'amélioration du sort de tous. Ce qui fait que, donc, pendant 3 ans, entre 1848 et 1851, se sont fondées, à Paris spécialement, des associations culinaires ou des cuisiniers réunis qui ambitionnaient de faire de la bonne cuisine pour tous, à des prix abordables. C'est une expérience que je trouve personnellement tout à fait fascinante et qui a été liquidée par le coup d'État, qui n'a pas pu être reprise ultérieurement parce que, en fait, le développement de la cuisine et des restaurants dans le Paris du 19e siècle, et spécialement de restaurants bon marché, qu'on appelait les bouillons, mmh. a en fait pris la place que ces cuisiniers réunis entendaient occuper. Ce qui fait qu'au total, donc, sous la Troisième République, il y a désormais des grands restaurants, en beaucoup plus grand nombre, et des cuisiniers qui ne sont pas encore des célébrités comme elles le sont aujourd'hui, mais qui ont leurs propres critères d'excellence. En gros, il y a une société de placement qui est dirigée par des cuisiniers eux-mêmes et qui vaut garantie de qualité. Il n'y a pas de diplôme encore. Mais l'appartenance à cette société de placement permet de penser que le cuisinier est techniquement au niveau souhaitable. Philippe Mézy, c'est extrêmement intéressant de s'intéresser, comme vous le faites et comme le fait aussi Vincent Robert, du point de vue politique, à ces banquets, à ces réunions, à ces restaurants, parce que en fait, on voit comment passe d'un milieu à un autre un plat, comment ces plats sont repris dans des milieux plus populaires après avoir été inventés dans des milieux plus aristocratiques, et tout cela tout au long du 19e siècle, et plus particulièrement pendant cette Troisième République. Philippe Mézy. Oui, il y a toute une circulation des plats et puis des savoir-faire techniques qui s'opèrent. Si je prends un exemple bordelais, Alcide Bontou, qui est un cuisinier dans un restaurant qui est assez célèbre à la fin du 19e siècle et est auteur d'un traité de cuisine bordelaise, met en œuvre des cours de cuisine ménagère destinée aux femmes. Mmh. Et donc, il va transmettre le savoir-faire de préparation simple comme le pot-au-feu ou des choses comme ça. Mais il y a une volonté de diffusion, de circulation de l'information technique. De démocratisation, pourrait-on dire, de ces savoirs techniques de la cuisine. Merci à vous, Philippe Mézy. On lira avec intérêt le livre que vous avez coordonné, qui s'intitule donc « Banquet, gastronomie et politique dans les villes de province ». Il est publié aux éditions Ferré, F-E-R-E-T. Et quant à vous, Vincent Robert, on lira aussi avec beaucoup d'intérêt « Le temps des banquets, politique et symbolique d'une génération, 1818-1848 ». Merci à tous les deux d'être venus et merci à Radio France de vous avoir accueilli dans ses studios à Bordeaux, Philippe Mézy. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Pascal Baudin nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Et il ne faut pas oublier non plus Nathalie Canoui, qui a lu pour nous les textes qui avaient été tirés des ouvrages de Vincent Robert et de Philippe Mézy. Demain, nous continuons notre série consacrée à la cuisine en nous intéressant avec la chaire UNESCO d'histoire de l'alimentation à la question des aliments voyageurs.